L'arc-en-ciel est un symbole d'alliance avec les plans. C'est pour ça, vous avez ça, là, quand Noé arrive là, à la montagne, il y a un arc-en-ciel. Puis là, ça dit, c'est le symbole d'une alliance, blablabla. L'arc-en-ciel, c'est la division de la lumière. C'est le symbole de l'alliance de l'homme avec les plans occultes. Puis ça peut être aussi un symbole de sa subjectivité. Puis du fait qu'il est marionnettisé par des choses dans l'invisible. Puis c'est aussi une porte. C'est l'arc-en-ciel. Donc, il y a deux colonnes, une positive, une négative. Il y a un champ électromagnétique. Voyez, là. En tout cas, mais l'arc-en-ciel a été important dans la franc-maçonnerie féminine. Donc, c'est pas surprenant de retrouver ça dans certains types de mouvements, là. Vous vous souvenez, là, la comtesse de Pommard, puis les Freemasons.